بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer donc aujourd'hui le cours 13 dans la lecture du livre الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم du Cheikh عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى. Et on est arrivé donc parmi les causes, ou bien plutôt les causes qui ont pour conséquence les divisions de la jama'a. Parmi ces causes, il y a « ittiba'ul hawa », c'est-à-dire le fait de suivre la passion et les désirs. Donc on va expliquer cette partie ou ce point-là qui est un point extrêmement important, parce que la passion, c'est une des bases, parmi les bases de l'égarement, ou des sources parmi les sources de l'égarement, sur plusieurs sujets, et pas seulement celui de la séparation de la jama'a ou la division de la jama'a, mais il y en a sur la plupart des égarements, que ce soit le shirk, que ce soit les bid'a, que ce soit les... il y en a toutes sortes d'autres égarements. Donc, le Cheikh, il explique maintenant, il dit « Ittiba'u al-hawa, al-hawa mayalan, mayalanu nafsi, ila ma tastaladhuhu min ash-shahawati min ghayri da'iyati ash-shar'i. Fattiba'u l'insan lima yahwahu, huwa akhdhu al-qawli wal-fi'li alladhi yuhibbuhu, wa raddu al-qawli wal-fi'li alladhi yubghiduhu bila hudan min Allah. » Donc, c'est une très bonne définition qui est donnée ici. Et c'est la définition suivante. C'est-à-dire que Al-Hawa, c'est un penchant de l'âme vers ce qui lui amène ou vers ce qui lui procure du plaisir parmi les passions et les désirs, sans que ce soit déterminé ou basé sur l'appel de la législation ou de la révélation. C'est-à-dire que l'être humain qui suit sa passion, il prend la parole ou l'action, ou il fait l'action qui fait partie de ce qu'il aime. Et il rejette la parole ou l'action de ce qu'il n'aime pas, sans se baser sur la guidance qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est des définitions qui sont données par les ulama. La première définition, c'était celle de Al-Jurjani dans At-Ta'rifat. Et l'autre, c'est une explication qui est donnée de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa. Ensuite, le Cheikh, il explique, il dit « وَقَدْ جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ أَكْبَرِ مَقَاصِدِهَا إِخْرَاجُ الْمُكَلَّفِ عَنْ دَاعِيَةِ هَوَاهُ حَتَّى يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اِخْتِيَارًا كَمَّ هُوَ عَبْدٌ لِلَّهِ اِطِّرَارًا » Donc le Cheikh, il mentionne ensuite le fait que parmi les éléments qui font partie des objectifs les plus importants et les plus grands de la charia de l'islam, c'est de faire sortir la personne qui est responsable et qui est chargée de l'obéissance d'Allah, le faire sortir de l'appel de sa passion pour qu'il devienne un esclave, serviteur d'Allah, et qu'il se soumette à Allah de façon volontaire, comme il est un esclave d'Allah de façon involontaire. Hein? Puisqu'on est tous esclaves d'Allah. Toute la création est esclave d'Allah et soumise à Allah volontairement ou involontairement. Volontairement si on est musulman et involontairement si quelqu'un n'accepte pas la foi, mais il est tout de même soumis à la loi d'Allah et aux règles d'Allah et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh, il explique donc, il dit فاتباع الهوى مضاد لاتباع الشرع قال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وقال ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. Donc ici le Cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné le fait que le fait de suivre la passion, c'est qu'est-ce qui oppose et qu'est-ce qui est en contradiction avec le fait de suivre la révélation. Et il mentionne premièrement le verset 50 dans Sourate Al-Qasas, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans guidance venant d'Allah? Et le verset 23 dans Sourate Al-Jathiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: n'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion pour sa divinité et que Allah a égaré avec science? N'as-tu pas vu celui qui a pris sa passion comme divinité et que Allah a égaré avec science? Et le troisième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset 71 dans Sourate Al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et si la vérité suivait leur passion, certes les cieux et la terre et tous ceux qui sont dedans seraient corrompus. Si la vérité suivait leur passion, certes les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dedans aurait été corrompu. Et le cheikh il dit ensuite: وَمَنْ تَأَمَّلَ رَأَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَذْكُرِ الْهَوَى فِي كِتَابِهِ إِلَّا فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ فِي مَعْرِضِ الذَّمِّ لَهُ وَلِمُتَّبِعِيهِ. Donc le cheikh il dit: quiconque médite et observe, il verra que Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais mentionné la passion ou Al-Hawa dans son livre, excepté dans le sens de du blâme, pour ceux qui, le blâme pour la passion elle-même et pour ceux qui l'ont suivi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand il mentionne la passion dans son livre, ce n'est que pour blâmer la passion elle-même et pour blâmer et critiquer ceux qui suivent la passion. Donc ça, c'est un point important aussi. Ensuite, il mentionne une parole de Abdullah ibn Abbas. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمه. Et cette parole qui est citée par le cheikh est attribuée, donc ici c'est une parole attribuée à Abdullah ibn Abbas رضي الله عنه ou رضي الله عنهما, et elle est citée dans le livre de l'imam Ibn al-Jawzi, dans son livre Dhamm al-Hawa. Ibn al-Jawzi, il a un livre qui s'intitule Dhamm al-Hawa, c'est-à-dire le blâme de la passion. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit: وَهَلْ نَشَأَتِ الْبِدَعُ وَالْمَعَاصِ إِلَّا مِنْ تَقْدِيمِ الْهَوَى عَلَى مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Il dit: est-ce qu'il y aurait une innovation ou un péché, qui serait apparu ou qui aurait exister, excepté que la raison ou la source de cette bid'a, de cette innovation ou de ce péché, vient du fait qu'on a donné précédence à la passion sur ce que Allah et son messager ont aimé? Ça, c'est clair. Toute innovation ou péché vient du fait qu'on a donné à notre passion une précédence sur ce que Allah et son messager ont aimé. Ensuite, le cheikh il dit: bal أصل الضلال اتباع الظن والهوى كما قال تعالى في من ذمهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهذا وصف للكفار فكل من له نصيب من هذا الوصف فله نصيب من متابعة الكفار بقدر ذلك النصيب. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a même mentionné Et Allah subhanahu wa ta'ala a même mentionné que la base de l'égarement, c'est le fait de suivre les suppositions et la passion. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset dans Sourate An-Najm, c'est-à-dire le verset 23 dans Sourate An-Najm, il dit: ils ne font que suivre les suppositions, ou la conjecture et ce que leur passion désire, ou ce qui est en accord avec les passions de leur âme. Alors que yani, la guidance leur est venue de la part de leur Seigneur. Et donc, cette description, c'est une description pour les kuffars. Et toute personne qui a une portion de cette description, eh bien, il a une portion du fait de suivre les kuffars selon la valeur ou la grandeur de cette portion qu'il a. Et il mentionne, c'est-à-dire, ici ensuite, il dit: Wa min huna. سمي أهل البدع أهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم. Et c'est pour cela que on a appelé en arabe les gens de la bid'a, on les a appelés les gens de la passion. Pourquoi on les a appelés les gens de la passion? Parce qu'ils suivent leur passion. Hein? Et donc, s'ils n'avaient pas suivi leur passion, ils ne seraient pas venus avec des innovations ou avec des bid'a. C'est pour ça qu'on appelle les gens de la bid'a. C'est pour ça qu'on appelle les gens de la passion les gens de la bid'a. Ou les gens de la bid'a, on les appelle les gens de la passion. Ahlul ahwa. Et donc, vous pouvez trouver ces termes-là comme étant interchangeables. Vous pouvez dire les gens de la passion ou les gens de la bid'a. Les deux, c'est la même chose. Hein? Les gens de la passion, ce sont les gens de la bid'a. Et des fois, on utilise les deux termes. Ahlul bid'a'i wal ahwa. Et dans ce sens-là, si on dit Ahlul bid'a'i wal ahwa, c'est-à-dire les gens de la bid'a et de la passion, alors là, dans ce cas-là, la passion, c'est d'un sens plus général que la bid'a, parce que la passion, elle englobe beaucoup plus que la bid'a, même si les deux sont reliés. Et le cheikh, il dit ensuite, « Wala raiba annahum indama btada'u bid'a'hum » عندما ابتدعوا بدعهم تعلقوا بشبهة دليل ليضيفوا أو ليضفوا على بدعهم أو ليضفوا على بدعهم صفة الشرعية فينصبون أنفسهم وما جاءوا به إلى الشرع والشرع براء منه فهم يتبعون متشابهات القرآن ويتركون محكمه فيتبعون متشابهات القرآن ويتركون محكمه والمتشابه ما أشكل معناه ولم يبين مغزاه ولم يبين مغزاه كالمجمل من الألفاظ أو ما يحتاج إلى بيان معناه الحقيقي إلى دليل آخر قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ومن هؤلاء الخوارج كما قال أبو أمامة رضي الله عنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Donc ici le cheikh il explique que il dit qu'il n'y a pas de doute que ce que les gens ont innové parmi les gens de Bid'a, lorsqu'ils ont innové leurs innovations, ils se sont accrochés à un faux semblant de preuve. C'est-à-dire, ils se sont accrochés à des shubuhat. Souvent, les shubuhat, les gens ont traduit par ambiguïté ou doute. Mais dans le sens de, quand on regarde le sens arabe du mot shubha ou shubuhat au pluriel, eh bien c'est en fait des choses qu'on essaie de faire passer pour être comme étant de la vérité ou comme étant quelque chose de vrai, comme étant une preuve, alors qu'en réalité elles ne sont pas des preuves réellement, c'est des semblants de preuves et c'est pour ça qu'on les appelle shubha. Ça vient du verbe shabaha yushbehu, ça veut dire ressembler, le fait de ressembler. Et donc, c'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais qui n'en est pas, qui n'en fait pas partie. Et donc, la shubha, ici, les gens de bid'a, quand ils ramènent des arguments, ce ne sont pas des preuves, mais des semblants de preuves. Et ils utilisent ces semblants de preuves pour donner à leurs innovations une caractéristique qui ressemble à la charia ou quelque chose de légitimité. Ils essaient de donner à leurs innovations une légitimité en essayant d'utiliser des semblants, des faux semblants de preuves. Et ils attribuent cela, ils attribuent ce qu'ils ont amené à la charia. Ils s'attribuent eux-mêmes ainsi que ce qu'ils ont ramené comme innovation. Ils essaient de l'attribuer à la charia. Alors que la charia en est innocente, la révélation divine en est innocente, puisque en réalité, ils ne font que suivre les semblants de preuves et les versets qui sont équivoques dans le Coran, c'est-à-dire les versets qui peuvent avoir d'autres interprétations ou d'autres façons d'être comprises. C'est-à-dire des versets qui ne peuvent pas être compris par eux-mêmes tout seuls. Ils ont besoin d'autres versets pour être clarifiés et expliqués. Tandis que les versets qui sont des muhkamat, les versets qui sont muhkam, c'est-à-dire qui sont explicites et clairs, qui sont compréhensibles par eux-mêmes, ils les laissent de côté. Ils ne s'y réfèrent pas. Ils se réfèrent uniquement aux versets qui demandent d'autres clarifications de la part d'autres versets ou un hadith ou des explications extérieures au verset lui-même. C'est-à-dire des explications extérieures à ce verset, c'est-à-dire il a besoin soit d'un autre verset ou d'un hadith pour être clarifié. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle al-mutashabih. Donc, il dit le cheikh comme définition ici du mutashabih, comme c'est mentionné dans Al-I'tisam, c'est ce dont la signification, le verset dont la signification n'est pas claire par elle-même et elle a besoin d'une autre signification ou d'une preuve autre pour être clarifiée. Donc, comme par exemple, al-mujmal. Al-mujmal, ça veut dire quelque chose qui est général. Donc, un verset ou un hadith qui est général et qui nécessite, par exemple, un autre verset qui est plus spécifique pour le définir et le clarifier. Ensuite, le cheikh, il cite à ce sujet le verset 7 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, tandis que ceux dont yani le cœur est dévié, hein, ceux qui ont dans leur cœur une déviation, ils suivent ce qui est mutashabih, hein, matashabaha minhu. Ils suivent ce qui peut avoir différents sens et qui a besoin d'autres versets pour être clarifié en cherchant la fitna. C'est-à-dire, ils font ça exprès. Ils font exprès de se référer à ces versets-là pour justement se permettre de créer des désordres et des troubles et diviser les gens ou les égarer du droit chemin et se permettre d'innover justement des innovations dans la religion. Et le cheikh, il dit ensuite, وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ الْخَوَارِجِ. Et parmi ceux-là, c'est-à-dire parmi ceux qui se réfèrent aux versets qui sont équivoques et qui nécessitent d'autres versets pour être clarifiés, il y a la secte des Khawarij, comme l'a mentionné Abu Umama, radiallahu anhu, un des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, il explique et il dit, وَثَبَتَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والآجري في الشريعة أنه ذكر له الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن فقال يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وقرأ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا والأمثلة على اتباع الخوارج للمتشابه وتركهم المحكم كثيرة ذكر بعضها العلامة الشاطبي في الاعتصام وأنا أقتصر على المثالين الأول استشهاد الخوارج بإبطال التحكيم بقوله تعالى Donc ici, le cheikh, il explique que il a été rapporté de façon authentique par Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, dans ce que l'imam Ibn Abi Shayba a rapporté dans son livre Al-Musannaf, de même que l'imam Al-Ajurri dans Al-Shari'a, comme il l'a mentionné au sujet des Khawarij et au sujet de ce qui leur arrive lorsqu'ils lisent le Coran. Ils tombent sans connaissance ou bien ils ont des effets lorsqu'ils récitent le Coran. Yani, pour dire que c'est des gens qui font beaucoup d'efforts dans la récitation du Coran et malgré ça, ils ne le comprennent pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, yani, la tujawizu hanajirahum. Yani, ça ne dépasse pas leur clavicule, ça ne dépasse pas leur gorge. Et yani, ça veut dire qu'ils le récitent, mais ils ne comprennent rien de ce qu'ils récitent. Et ici, yani, Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit au sujet des Khawarij, يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه. C'est-à-dire qu'il croit en ce qui est muhkam, mais il s'égare hein, lorsqu'il rentre dans qu'est-ce qui est équivoque, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être interprété de différentes manières ou de ce qui nécessite d'autres versets pour être compris ou d'autres hadiths pour être compris. Et ici, il a mentionné comme exemple le verset dans sourate Al-Imran, le verset 7. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ C'est-à-dire, nul ne connaît son interprétation, c'est-à-dire l'interprétation de ce qui est mutashabih, excepté Allah et ceux qui sont profondément enracinés dans la science. Ils disent tous, hein, ils disent, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا Donc ça, c'est l'explication du fait que Allah subhanahu wa ta'ala connaît la signification de ces versets qui sont mutashabih, ainsi que les savants qui sont profondément enracinés dans le savoir et dans la science, hein, ils comprennent ces versets-là parce qu'ils savent comment ramener les mutashabih aux muhkamat pour les clarifier. Et comme les ulama l'ont expliqué. Ensuite, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh, il dit ensuite que l'imam al-Shatibi, il a expliqué certains des exemples dans lesquels les Khawarij ont montré qu'ils se sont égarés hein, dans leur abandon des muhkamat et dans le fait de suivre ce qui est mutashabih. Et dans Al-I'tisam, il y a beaucoup d'exemples de ça. Il dit, nous, on va se limiter à deux exemples seulement. Le premier exemple, c'est al-istishhad. Istishhad al-Khawarij ala ibtal al-tahkim bi qawlihi ta'ala in al-hukmu illa lillah. فإن ظاهر الآية صحيح على الجملة وأما على التفصيل فيحتاج إلى بيان وقد بين ابن عباس لهم أن الحكم لله تارة بغير تحكيم وتارة بتحكيم لأنه إذا أمرنا الله بالتحكيم فالحكم به حكم لله سبحانه وتعالى فالخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم ونحوها من آيات التحكيم. Donc il dit par exemple, comme exemple, le premier exemple qu'il a cité ici, c'est l'exemple du témoignage du fait que les Khawarij, les Khawarij, quand ils ont vu que les Sahaba avaient demandé, par exemple, à ce que deux compagnons jugent entre eux lorsqu'il y avait une fitna, hein, certains des compagnons ont dit, bon, on va ramener deux juges, un juge de chaque côté, et ils vont trancher, ils vont juger pour essayer de faire cesser cette fitna. Hein. Donc, c'est ce qu'ils ont appelé at-tahkim. Les Khawarij, eux, ils ont dit, si vous faites al-tahkim, vous êtes des kuffars, parce que al-hukmu lillah, ils ont dit, in al-hukmu illa lillah. Et Ali, radiyallahu anhu, quand il a entendu ça, il a dit, kalimatu haqq aradu biha batil. Kalimatu haqq aradu biha batil. Pourquoi? Parce que dans le fait de prendre des juges pour régler un problème ou une fitna, il n'y a rien qui contredit le jugement d'Allah dans ça. Le cheikh explique. Il dit que dans le sens apparent du verset, in al-hukmu illa lillah, hein, le sens il est vrai puisque c'est la parole d'Allah, le jugement il revient à Allah, il appartient à Allah. Sauf que lorsqu'on regarde dans les détails, eh bien, on voit que le verset a besoin d'être clarifié, il a besoin d'être expliqué. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a expliqué aux Khawarij que ici le jugement d'Allah, il faut comprendre que parfois il nécessite un arbitrage et parfois il n'a pas besoin d'arbitrage. C'est-à-dire que le jugement d'Allah, c'est Allah lui-même, il nous ordonne de faire un arbitrage. Alors dans ce cas-là, le fait de prendre des arbitres et de faire un arbitrage pour régler le problème, eh bien ça fait partie hein, du jugement d'Allah. Donc les Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le verset tout seul. « Inna al-hukma illa lillah » Ils l'ont pris tout seul, qui est le verset 40 dans Sourate Yusuf, et ils l'ont complètement isolé et ils ont laissé de côté les autres versets qui mentionnent le fait de prendre un arbitre dans certaines situations, comme par exemple le verset 95 dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il demande aux croyants de prendre deux juges, hein, yahkumu bihi dhawa adlin minkum, c'est-à-dire deux personnes arbitres ou juges qui sont justes et honnêtes parmi vous, qui vont juger dans par exemple cette question, par exemple, qui a rapport avec la chasse, hein, la chasse lorsque on est en état d'ihram. Et le verset en question, c'est le verset 95. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhal ladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan baligh al-ka'bati. بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie: oh les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'ihram, c'est-à-dire pendant le Hajj ou pendant la Umrah. Et quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit yani, par quelques bêtes de troupeau, semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de deux personnes intègres parmi vous. Hein? Et cela en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation en nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent en jeûne. Et ainsi de suite. Donc tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il ordonne aux croyants de prendre un juge pour juger entre eux dans ce qu'ils ont tué comme gibier pendant le fait qu'ils étaient en état d'ihram. Donc si on dit par exemple que de prendre des arbitres, c'est contraire au verset, yani, au verset inil hukmu illa lillah, hein, que le jugement n'appartient qu'à Allah. Dans ce cas-là, il faut comprendre une chose, c'est que s'il est ordonné par Allah de juger ou de prendre des arbitres dans des situations ou des choses qui ont rapport avec une bête ou un animal qu'on a tué pendant l'ihram, alors que dire du cas où des croyants sont en train de se battre les uns avec les autres, est-ce que ça, c'est pas plus important, hein, prendre des arbitres pour faire cesser ça que de prendre des arbitres pour, par exemple, juger ou déterminer qu'est-ce qu'on doit expier pour avoir commis, par exemple, le fait de le péché d'avoir chassé en état d'ihram, ou bien dans un autre verset, lorsqu'il y a des conflits entre un mari et sa femme, et que toutes les démarches ont échoué, de prendre un juge de la famille de la fille et un juge de la famille de l'homme. فَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Donc ça veut dire qu'on a le droit d'avoir référence ou de se référer à des arbitres ou à des juges pour trancher dans des questions qui ont rapport avec les problèmes de couple. Donc, si on a le droit de faire ça pour des couples, pour des problèmes de couple ou des problèmes de vie matrimoniale ou des choses comme ça, alors que dire de problèmes entre les croyants sur des questions qui ont rapport avec le sang et la vie? Donc, c'est beaucoup plus important dans ce cas-là. Hein? C'est comme ça que les sahaba, ils analysaient les situations et ils jugeaient entre les choses. Et il se basait sur le Coran, et quand un verset est équivoque, il le ramène à un verset qui est explicite et clair pour le clarifier. Et donc on voit ici comment ils appliquent la compréhension du Coran. Tandis que les Khawarij, dans leur ignorance et leur esprit limité, ils n'ont pas compris de cette façon. نعم نعم صحيح. فأولئك هم الكافرون، أي نعم. يعني فأولئك هم الكافرون. Et les ulama, ils ont dit par rapport à ces versets-là, يعني comme Abdullah ibn Abbas par exemple, ترجمان القرآن, il a dit, يعني يعني من من يعني الذي مثلا ينكر الحكم أو يعني يجحد الحكم فهذا كفر أكبر. أما الذي يحكم لا أما الذي لا يحكم بما أنزل الله ولكن يعني يؤمن به ويعترف به ويعترف أنه مخطئ أو أنه مذنب أو عاصي ثم يقع في هذا بسبب الهوى وبسبب الطمع فهذا لا يكفر يعني هو كفر دون كفر. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention comment on comprend les versets puis les ramener aux autres versets qui les clarifient. Et les ulama, ils ont clarifié ça bien comme il faut. Et c'est une des égarements des khawarij lorsqu'ils n'ont pas compris. Justement, ce verset, cet exemple-là, on l'explique ici. Le sheikh, il dit الثاني استشهاد الخوارج على كفر الحاكم بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا الاستشهاد ليس وليد عصرنا بل خوارج عصرنا رووه يعني بالإسناد المتصل عن شيوخهم الخوارج الأولين الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أخرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية قال يراهم شرار الخلق يراهم شرار الخلق شرار خلق الله إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال مما يتبع الحرورية من المتشابه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرنون معها ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر عدل بربه ومن عدل بربه فقد أشرك فهذه الأمة مشركون فيخرجون أي الحرورية فيقتلون ما رأيته لأنهم يتأولون هذه الآية. Donc ici le cheikh il mentionne le deuxième exemple des khawarij dans le fait que ils se détournent de qu'est-ce qui est muhkam et ils tombent dans qu'est-ce qui est mutashabih. C'est l'exemple de leur mauvaise compréhension justement du verset dans sourate al-Maïda le verset 44 et quiconque yani ne juge pas selon ce que Allah a révélé alors ceux-là sont les mécréants. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Il se base sur ce verset-là pour faire le takfir du dirigeant. Sauf que le cheikh, il dit que cette interprétation des khawarij, elle n'est pas récente. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle est apparue chez les khawarij de notre époque, non. Elle vient des khawarij d'avant. Hein. Les premiers khawarij qui sont sortis, lorsqu'ils sont sortis, hein, ils ont interprété ce verset-là de cette manière pour justifier leur révolte contre Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc ça veut dire, comme le cheikh il le dit ici, qu'ils ont pris cette bid'a ou cet égarement directement de la chaîne de transmission de leurs premiers ancêtres, c'est-à-dire les premiers parmi les khawarij qui sont sortis contre Ali radiyallahu anhu. Et le cheikh il dit, il cite le verset 118 dans surat al-Baqarah dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tashabahat qulubuhum » Leur cœur se ressemble en réalité. Même s'ils se ressemblent pas dans le fait qu'ils sont différents, ils vivent à différentes époques, hein, ils vivent à différentes époques, ils vivent dans différents endroits, mais leur cœur est pareil. Leur cœur est pareil parce qu'ils sont sur la même bid'a. Hein, les khawarij de l'époque des sahaba et les khawarij d'aujourd'hui. Et le cheikh, il dit qu'il a été rapporté selon Ibn Wahb, selon Bukhayr, qu'il a demandé la question à Nafi', hein, Nafi' qui était yani, le servant de Ibn Omar radiallahu anhu. Et yani, il lui a demandé à propos yani, de l'opinion de Ibn Omar à propos des khawarij, al-haruriya. Il a dit Kayfa ra'y ibn Omar, Kayfa ra'y ibn Omar fil haruriya. Al-haruriya, c'est une secte parmi les sectes des khawarij. On les appelle haruriya parce qu'ils sont sortis dans un endroit en Irak qui s'appelle Harura. Donc de là vient le nom al-haruriya. Et le cheikh, il dit que Nafi' radiallahu anhu, il a répondu à la question. Et il a dit, Yarahum shiraru khalqillah. Il les voit comme étant les pires des créatures d'Allah, les plus mauvaises créatures d'Allah. Ils sont partis du verset. Ils partent des versets qui sont révélés à propos des kuffars et ils les appliquent sur les musulmans. Hein? Et il mentionne comme exemple de ça. Il dit parmi les exemples de ce que les khawarij ont suivi parmi les mutashabih du Coran, il y a le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et quiconque ne juge pas selon ce que Allah a révélé, ceux-là sont les kafiroun, sont les mécréants. » Et il rallie à ce verset, ou il rattache à ce verset, le verset dans Surat Al-An'am, le verset 1 « Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diloun » Donc, il dit, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ hein? Donc, ils prennent le verset qui dit qu'ils sont des kafirouns, puis ils disent, bon, ceux qui sont des kafirouns, ils mettent des égaux, ils font des égaux avec leur Seigneur. Et ils donnent des égaux, ils font des égaux avec leur Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est des mouchriquins, hein? Parce qu'ils disent que celui qui, si par exemple un dirigeant, il juge par autre que la vérité, ils ont dit, ah, il est kafir, parce qu'il a jugé par autre que la vérité. Puis, ils disent, celui qui a commis le kufr, il a donné un égal à son Seigneur, parce qu'Allah dit, ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ Donc, ça veut dire, celui qui a donné un égal à son Seigneur, il a fait le shirk. Par conséquent, cette umma est mushrik, sont des mushrikoun. Les musulmans sont des mushrikoun pour eux. Hein? Et ils se justifient par la suite de prendre les armes pour combattre les musulmans et pour tuer les musulmans, comme ils l'ont fait à l'époque des sahaba pour tuer les sahaba. Et donc, ils tuent tous ceux le Nafi' radiallahu anhu, rahimahullah, il dit ici, non, en fait, c'est que c'est Saïd ibn Jubayr, quand il a entendu cette parole, il a été satisfait, il a été content de ça, et c'est lui qui dit ça. Dit parmi les mutashabih qu'ils suivent, c'est le verset 44 dans Surat Al-Ma'ida et le verset 1 dans Surat Al-An'am. Puis après, il dit, lorsqu'il voit un dirigeant qui ne juge pas par la révélation, qui juge pas par la vérité, ils disent, il est devenu kafir. Et celui qui est kafir, il donne un égal à son Seigneur. Et par conséquent, celui qui donne un égal à son Seigneur, il a commis le shirk. Donc, cette umma, il considère que ce sont des mushrikoun. Puis il justifie les rébellions et les révoltes contre les dirigeants et il tue les musulmans, comme tu les vois, tuer les musulmans parce qu'ils déforment le sens ou ils interprètent mal hein, les versets. Ils appliquent ces versets-là sur les musulmans. Après le cheikh, il dit « وَقَدْ أَخْرَجَ نَحْوَهُ الْجُرِّ فِي الشَّرِيعَةِ مِنْ قَوْلِ سَعِيدِ بْنُ جُبَيْرِ » وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد مقتصرا على الجملة الأولى وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قلت فما هذا الكفر قال كفر لا يخرج من الملة Donc il dit que dans le livre de l'imam Al-Ajurri qui s'intitule Al-Sharia, Il y a la même parole rapportée selon Saïd ibn Jubayr et l'imam ibn Abdilbar, il l'a rapportée également dans son Tamhid, en se limitant uniquement à la première phrase. Et il dit que il a été rapporté également yani selon Ismaïl ibn Saïd al-Shalinji. Il a dit, on a posé la question à l'imam Ahmad, ou bien dit, j'ai posé la question à l'imam Ahmad, à propos du verset 44 dans Sourate al-Ma'ida, celui qui ne juge pas selon ce que Allah a révélé, alors ceux-là sont les kafirun. Qu'est-ce que tu dis de ce verset? Il a dit, hein, quelle sorte de kufr, hein, c'est quoi le kufr qui est mentionné dans ce verset-là? Et l'imam Ahmad, il a répondu et il a dit, kufrun la yukhriju min al-milla. C'est-à-dire, c'est un kufr, mais qui ne fait pas sortir de la religion. Un kufr qui ne fait pas sortir de la religion. Il dit, وَسَأَلَهُ نَحْوَ ذَلِكَ ابْنُ هَانِ فَأَجَابَهُ بِذَلِكَ أَيْضًا. Il dit que la même question a été rapportée ou a été posée. Hein? يعني سأله نحو ذلك ابن هاني. Donc, ابن هاني, il a posé la question à l'imam Ahmad, la même question à peu près, et il lui a répondu la même réponse. Hein, la même réponse, et le cheikh il dit, فهذا ما عليه السلف قاطبة في تفسير هذه الآية وهو ثابت بالأسانيد الصحيحة عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ومع صراحة ما جاء في تفسير هذه الآية من عن جماعات السلف ومن تبعهم إلى يومنا هذا إلا أن الخوارج يأبون التسليم للصحابة وتابعيهم رضي الله عنهم في يعني في ذلك فيصرون على تكفير الحاكم بهذه الآية ويجادلون بالباطل ويتعلقون بالمتشابهات فما أعظم الهوى الذي ركبوه وما أسوأ ما اعتقدوه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc le cheikh il explique que cette interprétation de l'imam Ahmad à propos de ce verset, elle est rapportée par un grand nombre de parmi les imams des salafs dans leur explication de ce verset-là. Et donc, il dit c'est une interprétation qui est thabit, yani qui est authentique, avec des chaînes de transmission authentiques, hein, depuis yani l'interpréteur du Coran, Turjuman al-Quran wa Habr al-Umma, le savant de cette Umma, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Lorsqu'il a expliqué ce verset, c'est comme ça qu'il l'a expliqué, comme je vous ai mentionné tout à l'heure. Il dit, et malgré que ce tafsir, cette interprétation, elle est assez explicite et claire, mais en plus, elle a été rapportée d'un grand nombre parmi les salafs, jusqu'à nos jours, hein, ainsi que de la part de ceux qui les ont suivis, excepté que les Khawarij refusent complètement de se soumettre à cette explication-là, yani, et ils refusent d'accepter l'interprétation des Sahaba et des Tabi'in. Hein, et c'est pour ça que, yani, ils insistent à faire le takfir des dirigeants de cette Umma, et ils font des débats, hein, avec le faux, et il s'accroche aux ambiguïtés. Et donc, le cheikh, il dit, yani, comme est grave, hein, comme est grave la passion à laquelle, yani, sur laquelle ils sont montés, et comme est mauvais ce qu'ils ont cru. Et il mentionne le verset 21 dans Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wallahu ghalibun ala amrihi, walakin akthar an-nas la ya'lamun. » Donc dans sourate Yusuf, Allah subhanahu wa ta'ala ghalibun ala ahlihi, walakin akthara an-nasi la ya'lamun. On a dit le verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah est souverain en son commandement, mais la plupart des gens ne savent pas. Donc c'est lui qui a le dessus, hein, sur ses affaires. et la plupart des gens, malheureusement, ne savent pas. Donc ça, c'est ce qui conclut. Tu voulais dire quelque chose, Mohamed? Non, les ulama, ils ont aussi clarifié que le kufr, il est de deux catégories, le kufr majeur et le kufr mineur. Et parfois, ils expriment le kufr majeur et le kufr mineur par le kufr amali et le kufr al-i'tiqadi. Non. Mais il faut comprendre aussi quand on divise le kufr amali, c'est-à-dire le kufr qui est relié aux actes, et le kufr i'tiqadi, c'est que dans le kufr des actes, il y en a aussi qui rentrent dans qu'est-ce qui est i'tiqadi. Comme par exemple, si quelqu'un il se prosterne devant une idole ou quelqu'un qui dénigre le mushaf ou des choses comme ça. C'est des actions, mais qui sont reliées à la aqida aussi. Et qui peuvent, donc ils font partie de ceux qui font partie des choses qui annulent la foi de quelqu'un. Non. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose est une action qu'elle ne fait pas nécessairement complètement sortir de la foi. Il y a des actions qui sont directement reliées à la croyance. Donc, même si quelqu'un, par exemple, il le fait, et puis il prétend qu'il croit dans son cœur, ça va être une contradiction dans ces cas-là. En fait, ce n'est pas seulement un hadith, ce n'est pas seulement un verset, il y a plusieurs versets qui distinguent qu'il y a un kufr majeur et un kufr mineur. Et parmi les exemples de ça, c'est les versets comme par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, et ça c'est un exemple que les ulama ils citent souvent, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, non, ce n'est pas ce verset-là. C'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma. Fa in baghat ihdahuma fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu. Inna Allaha yuhibbu al-muqsitin. Innama al-mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Les ulama, ils se basent sur ce verset-là. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Qitalul sibabul muslimi fusuq, wa qitaluhu kufr. C'est-à-dire que d'insulter le musulman, c'est une perversité. Et de le combattre, c'est du kufr. Et donc, les ulama, ils ont dit, cette kufr ici, c'est un kufr mineur et non un kufr majeur. La preuve, Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors faites la réconciliation entre les deux. Et si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Si un des deux transgresse, c'est-à-dire on a fait la réconciliation, puis il y en a un qui continue à vouloir transgresser puis combattre l'autre malgré ça, alors dans ce cas-là, combattez celui des deux qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Et une fois qu'ils sont revenus, alors faites la réconciliation entre eux en toute justice et soyez justes, car Allah aime les justes. Les croyants ne sont que des frères. Donc dans ce verset, Allah il les a appelés croyants malgré qu'ils se combattent. Hein, il a dit, wa in ta'ifatan min al-mu'minin. Il n'a pas dit wa in ta'ifatan min al-kuffar. C'est la preuve que si des croyants ils se combattent, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que wa qitaluhu kufr, le fait qu'ils le combattent, c'est un kufr. Mais ce n'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur. Ça veut dire que ça ne fait pas sortir de la foi, puisque Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés de croyants malgré ça. D'accord? Donc ça, c'est un exemple comment les ulama, ils ramènent qu'est-ce qui est mutashabih, ils le ramènent à qu'est-ce qui est muhkam pour le comprendre comme il faut. Hein? Et la même chose pour le verset dont on a parlé ici. Et si tu regardes le verset, « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » Les ulama, ils ont dit ça se réfère à qui? Ça se réfère aux gens du livre à la base, dans le verset. Hein? Ça veut dire que si quelqu'un, il est comme les gens du livre, c'est-à-dire il est kafir, il rejette le jugement d'Allah. Ah, ça c'est du kufr, ça fait sortir de la foi. Mais si quelqu'un il rejette pas le jugement d'Allah, mais il suit sa passion, il désobéit à Allah. Dans ce cas-là, ça, c'est pas un kufr majeur, c'est un kufr mineur, hein? Et l'exemple, si on lit le verset 44, vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le verset 44? Il dit: Inna anzalna at-tawrata fiha hudan wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil-ladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbar bima istuhfizu min kitabillahi wa kanu 'alayhi shuhada. Fala tabkhasu an-nasa wakhshaw fala takhshaw an-nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Donc ça a rapport avec les gens du livre, les juifs. Et le verset qui suit après, ça dit: wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'ayna bil-'ayni wal anfa bil-anfi wal udhunu wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Il dit ensuite: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Donc ça veut dire que les ulama, ils ont dit, il y a un kufr majeur et un kufr mineur. Il y a un dhulm majeur et un dhulm mineur. Il y a un fisq majeur et un fisq mineur. Et le détail de ce verset, c'est que s'il s'agit des juifs et des chrétiens qui jugent par autre que ce que Allah a révélé, eux, ils jugent par autre que ce que Allah a révélé parce qu'ils rejettent le jugement d'Allah. Et celui qui rejette le jugement d'Allah, il est kafir parce qu'il a rejeté le jugement d'Allah. Mais celui qui accepte le jugement d'Allah et qui croit au jugement d'Allah, mais qui juge par contraire à ce que Allah a révélé, malgré qu'il y croit et malgré qu'il l'accepte dans son cœur, il sait que ça vient d'Allah, il l'accepte, mais qu'il suit sa passion là-dedans, dans ce cas-là, il n'est pas comme les juifs et les chrétiens. Dans ce cas-là, il n'a pas renié la vérité, il n'a fait que suivre son péché, sa passion, donc il a commis un péché. C'est comme, par exemple, si un juif ou un chrétien boit de l'alcool, et un musulman boit de l'alcool, c'est pas la même chose. Pourquoi ce n'est pas la même chose? Parce que le juif et le chrétien, ils rendent l'alcool halal et ils croient que l'alcool est halal. Tandis que le musulman, il croit que l'alcool est haram. Donc même s'il le boit, il ne devient pas kafir, mais il va devenir un pécheur. Tandis que le kafir, lui, en rendant l'alcool halal, il commet du kufr. Même s'il ne le boit pas, il est kafir. Même s'il ne boit pas d'alcool, parce qu'il croit que l'alcool est halal. En le rendant halal, il a commis le kufr. Ce n'est pas la même chose, les deux. Il y a les musulmans, par exemple, qui boivent de l'alcool. Si tu leur demandes, est-ce que tu ne crois pas qu'Allah il a interdit l'alcool? Ils vont dire, oui, c'est haram. Mais il suit sa passion. Peut-être que par la suite, et peut-être il va se repentir, mais en fait, dans son cœur, il sait que c'est haram et il croit que c'est haram. C'est pas la même chose que celui qui croit que c'est halal puis qu'il le fait parce qu'il pense que c'est halal. Tu vois la différence entre les deux? Parce que si quelqu'un, il dit, moi je bois pas d'alcool mais c'est halal, même s'il le boit pas, il est pire que celui qui boit et qui dit que c'est halal, que c'est pas halal. Si quelqu'un, il boit de l'alcool mais il reconnaît que c'est haram, il est meilleur que celui qui ne boit pas d'alcool mais qui dit que c'est halal. Parce que l'istihlal, c'est kufr. Donc ça, c'est un point important. Beaucoup de gens, parfois, ils ne réalisent pas ça, mais c'est une nuance-là très, très importante à comprendre. Et pour éviter de tomber dans le rouleau, dans la compréhension de ce verset de « Mouman lam yahkum bima anzalallah fa oulaika humul kafirun » parce qu'il y a beaucoup de takfiriyin, de khawarij à notre époque, ils se basent sur ce verset-là, ils font le takfir de tous les dirigeants musulmans. Mais si tu l'appliques, Comme si tu le comprends comme il faut, tu vois que ça s'applique pas seulement aux dirigeants, mais ça s'applique à tous les croyants en général. C'est ça, comme les croyants, des fois même ils ont des disputes ou des désaccords entre eux. Et puis ils savent que à la fin, ils finissent, en général, ils vont se réconcilier. C'est ça. Par exemple, des fois, les gens ils peuvent avoir des désaccords entre eux ou des disputes. Le prophète, il a dit qu'on n'a pas le droit de se couper la parole ou de se couper les contacts plus que 3 jours. Hein? Et le meilleur des deux, c'est le premier qui va vers l'autre. Donc on se réconcilie, à moins que ce soit pour quelque chose de plus fondamental dans la religion, comme par exemple les gens qui se divisent ou qui ont des désaccords à cause de certaines bid'a ou de certains égarements. Dans ce cas-là, il n'y a pas de limite de 3 jours, mais c'est jusqu'à ce que la personne revienne à la sunna ou à la vérité. Dans ce cas-là, oui, on accepte de cette personne si elle accepte de se repentir et de revenir sur son égarement. Donc ça, c'est ce qui complète le sujet d'aujourd'hui pour le livre de Cheikh Abdussalam ibn Burgess. Donc on va s'arrêter ici. Et puis pour le cours de l'autre cours, je sais pas, je pense qu'on n'aura pas assez de temps malheureusement pour le faire. Donc on va voir, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Il reste pas beaucoup de pages. وإياكم إن شاء الله. Peut-être il va rester peut-être encore deux ou trois cours, puis on va terminer ce livre, إن شاء الله.